C'est normal, l'intégrale de l'intelligence. C'est normal de connaître l'avenir. Mais il y a un temps. Sans ça, l'esprit d'intelligence de l'homme fait des gaffes. Ou en souffle. Regarde ce qu'il dit avec Moïse. Il n'est pas sauvé les yeux, il dit. Tu lis le journal la semaine passée, Jésus est un enfant. Jésus est un enfant. Jésus est un enfant. Jésus est un enfant, tant mieux. Il a laissé des... Des traces? Ben oui, il y a des descendants de ça, là. Il a laissé des arrières, là. Il y a de la progéniture. Et dans l'intelligence, il faut toujours que tu défasses. Dans l'intelligence, il faut toujours que tu défasses. Au lieu, parce que nous autres, on a tendance, quand on pense... À faire. Wow. Mais il faut toujours défaire. Ça, c'est bien intéressant, ce que tu dis. Moi, j'ai dit à Ghislaine une fois, j'ai dit, sais-tu, j'ai dit, moi, je suis pas, en tout cas, je pense que je t'ai dit ça. Je pense à toi, j'ai dit ça. J'ai dit, je suis rendu à un point où je ne crois rien. C'est subtil. Il y a tout. Non, je crois rien. Je crois rien. Je constate. Qu'ils me disent quelque chose? Je vais le constater. Je vais attendre. Mais je ne crois rien. Rien, rien. C'est subtil, ça. Je suis pas capable de le parler, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, pas croire rien? Qu'est-ce que ça veut dire, pas croire rien? C'est parce que tu dis, je vais entendre. Il dit, ça veut dire être indépendant en esprit. Être indépendant, pas d'esprit, en esprit. En intelligent, être indépendant en esprit, ça veut dire être dans l'intelligence de ton esprit. Exactement. Parce que t'as tellement d'effets que... Être, ça, c'est pas intéressant, ça. Être indépendant d'esprit, en esprit, c'est être dans l'intelligence de ton esprit. Oui. Puis l'intelligence de ton esprit, c'est cet aspect de l'intelligence qui est descendu sur un plan qui convient à ta réalité. Fait que là, t'es bien dans ta peau. T'as plus besoin de personne. Personne. Non, t'as même plus besoin de lui parce que ça implique qu'il est déjà là. Qu'il est déjà en fusion, qu'il est déjà là. Il fait partie de toi comme toi tu fais partie de lui. T'es totalement désengagé de ce qu'il dit. Totalement. Puis c'est à partir de ce moment-là que tu aimes l'intelligence. Non pas parce qu'elle te donne quelque chose, mais parce qu'elle t'empêche d'être niaiseux. Ça, c'est un autre. C'est subtil, ça. C'est. Pas parce qu'elle donne quelque chose, pas parce qu'elle est intelligent, mais parce qu'elle t'empêche d'être niaiseux. Le positif du négatif. Elle t'empêche d'être niaiseux. Fait que si t'es jamais niaiseux, mais t'es toujours bien. Tu souffres plus. Parce que t'es pas niaiseux. Quoi? Dans les mouvements que l'on fait, on est sûr d'être sûr. Qui ça? Ben, nous autres. Vous autres? Tout ce que je peux dire, c'est que je vous le souhaite. Parce que quand je parle d'être sûr, il y a des formes là-dedans. C'est ça. Il y a deux formes dans être sûr. Être sûr, la première forme qui existe, c'est celle qui permet à l'esprit de l'intelligence de penser que ce qu'elle fait, c'est correct. Puis la deuxième forme là-dedans, c'est que quand t'es sûr d'être sûr, tu n'es même plus conscient d'être sûr. Je suis sûr d'être sûr, ouais. Non. T'es même plus conscient d'être sûr. Quand t'es sûr d'être sûr, t'es plus conscient d'être sûr. Ben non, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien. Fait que s'il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose pour te rendre conscient qu'il n'y a rien. C'est le double de la forme. C'est le double de la forme. Puis il y a des lois vibratoires là-dedans, dans le double de la forme. Écoute ça, Daniel. L'esprit de l'intelligence. Le simple de la forme est toujours lié à l'esprit de l'intelligence. Le double de la forme est toujours lié à l'intelligence de l'esprit. Le premier passage de l'homme, à partir du plan où il sort de l'ignorance, c'est de rentrer dans le simple de la forme, de comprendre un peu les lois de la forme. Et quand il rentre dans l'intelligence de l'esprit, à ce moment-là, il comprend l'autre aspect, le double de la forme. Et le double de la forme renverse toujours le simple de la forme. Et ce qui est drôle, c'est que dans le simple de la forme, quand tu commences à être conscient de la forme, tu as l'impression d'être sûr. Puis sais-tu pourquoi? Parce que tu as l'impression d'avoir détruit la forme. Mais tu n'as pas réalisé encore que dans la destruction de la forme, il y a l'intelligence de la forme. Et l'intelligence de la forme est toujours dans le double de la forme. Elle n'est jamais dans le simple de la forme. C'est pour ça que des fois, vous autres, vous allez faire des affaires et vous allez avoir l'impression d'être sûr. Ce qui est bon parce que déjà, ça vous amène à sortir du pouvoir de l'émotion sur votre mental. Mais ça n'a pas détruit en vous la relation entre l'émotion et le mental. Autrement dit, tu sors du pouvoir de l'émotion sur le mental, mais tu es encore pris dans le mental inférieur. Tandis que quand tu es dans l'intelligence, tu n'es plus pris ni dans le mental inférieur, ni dans l'émotion du mental, parce que tu ne penses plus. Alors, tu as résolu le problème du double de la forme. Parce qu'être sûr d'être sûr, c'est un sport. Être sûr d'être sûr, c'est le sport. Être sûr d'être sûr, c'est le sport. Et en dehors de ce sport-là, tu as automatiquement de la souffrance. Parce que tu tombes dans le simple de la forme, tu tombes dans l'émotion. Puis ça, c'est fatigant, parce que ça fait vibrer l'ego. C'est une souffrance. Puis en dehors de ça, tu ne sens plus rien. En dehors de ça, tu ne sens plus rien, tu te fous de tout. Pas dans le sens que tu te fous de tout, mais dans le sens que tu ne sens plus rien. C'est le raisonnement créatif qui nous souffre. C'est? Le raisonnement créatif. Non, le raisonnement créatif est plaisant. Il n'est pas nécessairement non souffrant. Parce que quand tu es dans le raisonnement créatif, tu es encore dans l'esprit de l'intelligence. Mais tu as l'intelligence derrière l'esprit d'intelligence. Pour qu'il n'y ait pas de souffrance, pour qu'il n'y ait aucun raisonnement non plus. Quand il n'y a plus de raisonnement, c'est le vide total. Quand tu es sûr d'être sûr, tu agis, ça peut demander si tu es sûr. Quand tu es sûr d'être sûr, tu agis. Ouais. Mais quand tu vas vers l'état d'être sûr, t'agis en fonction de cet état-là. Et plus cet état-là est grand, mais plus tu as l'impression d'être sûr, et plus automatiquement tu traduis en énergie mentale l'action et tu laisses derrière toi l'énergie émotive. Alors tu grandis, tu vas vers l'intelligence. Parce que l'esprit de l'intelligence est toujours fait de l'émotion et de l'intellect. Tandis que l'intelligence est faite simplement du mental. Alors automatiquement, plus tu perds de l'émotion, plus tu viens sûr d'être sûr, plus tu vas vers le mental pur. Mais dans le mental pur, tu es réellement sûr d'être sûr. Mais le problème n'existe plus pour toi. Fait que t'en parles, t'expliques ce que veut dire sûr d'être sûr pour les gens qui vont vers ça. Mais toi, dans ta vie, ça vient vraiment à ta tête, cette affaire-là. Ça vient... C'est le même. Ouais, c'est le même, puis c'est ça. C'est à quoi le point qu'on avait dit tout à l'heure? Il n'y a pas encore. Non, il y en avait un autre. Quand on écoute, c'est pas pensé. Quand on écoute, c'est on n'est pas dans la merde quand on parle. Ouais. Je veux leur prendre ce point-là. Quand on leur parle, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils nous permettent de leur parler, anyway. Parce que c'est eux autres qui font toujours la communication. Mais c'est quand ils nous répondent. Quand on leur parle, on fonctionne au niveau mental. Mais quand on reçoit, on fonctionne au niveau mental et émotif. Quand on leur fasse pour changer... Mais tu peux t'exclure la conversation, par exemple. Dans le sens que... je me suis déjà amusée avec ça. C'est que... Quand, admettons, il y a une communication, là, OK? Toi, tu t'exclus, tu les écoutes parler. Fait que automatiquement t'es pas impliqué, fait qu'automatiquement il n'y a pas d'émotion, puis t'écoutes ça. Puis des fois c'est intéressant, des fois c'est pas intéressant, puis on laisse aller. C'est pas comme un film qui se déroule, le point final, laisse aller, c'est tout. Mais étant donné que t'es pas inclus, il n'y a pas d'émotion. Tu regardes ça. C'est pas à l'extérieur. Ça, c'est une relaxation. Comme à l'extérieur. Ouais. C'est ça, je me relaxe. Moi, j'ai du fun. Ouais. Ben, j'ai du fun. Ouais. Même pas de fun, je regarde. Mm-hmm. Il veut passer des bonnes informations. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Alexis. Mais tu prends rien au sérieux parce que t'es pas lui. Ouais. Ben, tu regardes. T'es quoi? T'es pas impliqué. Tu t'impliques pas. Tu es en train de raconter une pipe, tu sais, on va. Ouais. Ouais. Des fois, ça peut être une vraie pipe. Pas tout le temps. On ne sait pas tout le temps si c'est une vraie pipe. Parce que moi, vous dire une chose, quand tu nous parles, c'est toujours une pipe. Tout le temps. Aussitôt qu'il te parle, c'est une pipe. Mais des fois, c'est une vraie pipe. Puis la différence entre une pipe et une vraie pipe, c'est que quand c'est une pipe, tu le sais pas. Quand c'est une vraie pipe, tu le réalises après. Puis être dans l'intelligence, c'est de réaliser que c'est pas une pipe, mais que c'est une vraie pipe. Dans le moment. Ouais. Comprends-tu, hein? Quand tu es dans l'intelligence, tu sais que c'est pas une pipe, mais tu sais que c'est une vraie pipe. Parce qu'il y a une différence entre une pipe et une vraie pipe. Une pipe, c'est la simple forme. La vraie pipe, c'est la forme double. Fait qu'automatiquement, t'es juge de tout ce qu'ils te disent. Ben, toi-même. Quand qu'il arrête de te parler, faut jamais te t'arrêter. Quand qu'il arrête de te parler, right. T'as pas de pipe. T'as rien. C'est pas que la communication est si importante. Puis, un état comme ça, là, quand quelqu'un comme ça, là, comme lui, là, l'autre qui était sympathique, c'est plaisant. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'égo là-dedans. Ouais. C'est calme. Ouais. C'est le fun. Mais quand toi, tu leur parles, de toute façon, c'est toujours pour t'amener à changer tes vibrations. Parce qu'habituellement, quand tu leur parles, moi ça m'arrive un peu souvent, mais quand tu leur parles, c'est vraiment parce que tu veux te sortir de quelque chose. Donc, si tu veux te sortir de quelque chose, c'est parce que tu es déjà prêt vibratoirement à passer à d'autres choses, bien sûr. Ouais. Fait que c'est eux autres qui t'inspirent une question. C'est ça. C'est eux autres qui t'inspirent toute l'atmosphère. C'est ça, pour te relaxer au niveau émotif et mental. C'est ça. Comme la différence entre une pipe fausse ou une vraie pipe, ils peuvent très bien t'inspirer toute l'atmosphère que c'est vrai. Ouais. Mais ça peut pas être vrai pantoute. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, t'as plus aucun point de repère, mais, discernement. Non, mais ça peut ne pas être vrai pantoute, mais c'est toujours vrai pareil. Oui, c'est ça. Mais parce que du vrai pantoute, ça n'existe pas pour eux autres. C'est toujours du vrai pareil. Oui, c'est ça. Il y a une différence. À ce moment-là, tu sais, c'est ton existence. Comprends-tu, vas-y? Le vrai pantoute, ça n'existe pas avec ça. Parce qu'aussitôt qu'il y a communication, il y a du vrai pareil. On peut bien être en crise tout le temps. C'est pour ça qu'on est en crise tout le temps. Parce que c'est du vrai pareil. Ils ont toujours raison. C'était du vrai pantoute. On se couperait. Ouais. Tandis que comme c'est du vrai pareil, tu sais jamais. Ça t'amène à sortir de la forme. Ouais. Fait qu'une fois que t'es en dehors de la forme, mais le vrai pantoute n'existant pas, le vrai pareil te nuisant pas ou t'intéressant pas, tu le vides. Fait qu'à ce moment-là, s'il te parle, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est tout pour quelque chose. Il me semble, si tu étais intelligent, tu l'as. Moi, j'ai jamais. Je pose, je parle pas, je cherche même pas à communiquer parce que je trouve pas ça, pour moi, je trouve pas ça intelligent. Parce que c'est comme un peu comme. Il y a trop de. C'est comme un peu. Jouer le jeu, tu sais. Ouais, tu sais, communiquer, là, c'est trop jouer le jeu. C'est la même chose. Communiquer, ça fait partie de ton état mental. Moi, je parle avec eux autres des fois. Seulement, je parle pour être informé de quelque chose. Par exemple, je sais pas, moi, ça va mal en Pologne. C'est une relaxation, c'est un échange d'énergie. On m'a dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Là? Ils n'ont rien là. Tout est sous contrôle. T'sais. Fait que c'est tout. T'es détaché de ça, c'est pas... Moi, je te parle de communiquer avec eux autres pour quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui t'est personnel, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent très bien profiter de la communication pour accélérer le travail. Ouais. C'est pas nécessairement dans tes intérêts, c'est dans le sens, à un moment donné... Ouais. C'est ce qu'elle dit, automatiquement, c'est parce que si elle cherche à savoir, c'est parce qu'elle est dans une émotion, fait que là, ils vont choisir. Ben oui. C'est pour ça que je veux plus communiquer, parce que aussitôt que je veux communiquer ou je veux savoir quelque chose, je sais, préparatoirement, qu'il y a une émotion. Mm-hmm. Fait que je suis plus intéressée à communiquer avec eux autres, je sais que je vais être choisie. Ouais, mais une fois que tu es détaché de ce qu'ils disent, à ce moment-là, tu peux communiquer avec eux autres, ils vont te donner des informations. Moi, je sais ce que je veux avec eux autres. Tu sais, j'ai pas grande curiosité, mais des fois, il y a des choses intéressantes. Puis je sais ce que je veux. Ils me disent ce que je veux. Oui, mais on était assez charriés. Oui. On l'est encore, d'ailleurs, mais de moins en moins. Ouais. Mais on était assez charriés. Mais ils sont obligés de faire... Ce que je veux, moi, présentement, c'est la paix. Ouais. Ils sont obligés de faire ça parce que s'ils ne nous charriaient pas, puis on ne sera pas écœurés d'eux autres, notre égo prendra large. C'est bon. Vous savez ce qui se passe quand vous sortez des similaires? Fait qu'il était quand même bien net, tu veux rien savoir. Fait qu'éventuellement, il dit, sais-tu pourquoi est-ce que c'est fait ça? C'est pour nous rendre anonymes. Fait qu'éventuellement, quand t'es bien chauré, t'es bien écœuré, tu deviens anonyme, t'en peines plus de ces affaires-là. Fait que personne ne sait ce qui se passe, excepté les quelques personnes que tu peux connaître. C'est comme ça qu'ils nous rendent anonymes. Ils veulent qu'on apprenne à fermer nos gueules. Puis arrêter de parler au monde à l'extérieur de ces affaires-là. Parce que c'est de l'ego. C'est l'esprit d'intelligence qui fonctionne au lieu d'intelligence. Parce que il y a une chose qu'on ne réalise pas. Puis on ne le réalise pas parce qu'on n'a pas su. On n'a pas assez. Les gens ne souffrent pas de la perte d'énergie. Moi, je souffre énormément de la perte d'énergie. Moi, quand je rouvre ma gueule, je change tout le monde. Fait qu'automatiquement, j'ai une perte d'énergie. Si je parle à quelqu'un, c'est à la rue, mais là, ça arrête plus, là. Tu sais, ça arrête plus. Fait qu'automatiquement, je perds de l'énergie. Fait que ce qui arrive, des fois, je vais rencontrer quelqu'un, comme c'est arrivé à Noël dans un restaurant. Puis, la personne, elle voulait savoir qu'est-ce que je faisais dans la vie. Au jour de l'an. J'étais avec ma femme, là. Puis, tu sais, au bout de l'an, t'es toute guindée. Ma femme était belle. Moi, j'étais beau. On avait un couple. Je disais, elle était là. Fait qu'on on était cute. Puis, on s'amusait. Puis, on dansait. Je suis capable de danser. Ouais. Fait que la première chose que tu sais, c'est que. Puis, ça, c'est vibratoire. Je viens pour aller aux toilettes. Puis, une femme qui m'accroche par le bras. Puis, elle dit, qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur, dans la vie? Ben, j'ai dit, je fais comme tout le monde. Je travaille. Tu sais, ça, c'est une réponse que l'ego ne s'attend pas. Fait que ça coupe. Pas commencer à dire, madame, bon, mais je t'en parle à la psychologie, je donne des conférences, puis là, elle va dire, dans quel domaine, tu penses ce que tu penses, puis tu s'arrêtes plus. Fini. Fait que tu es obligé de couper. C'est ça de l'intelligence. C'est pas de l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence, elle a dit, ah, ben, je donne des conférences au public, des fois, je vais à la télévision, puis je ferai 6, 7, ça, c'est l'esprit d'intelligence. Mais l'intelligence, ça coupe, puis ça coupe, puis ça coupe, puis ça coupe. Ça veut rien savoir, l'intelligence. Ça veut pas perdre d'énergie, l'intelligence. Sans ça, ça n'arrête plus. C'est-à-dire, ça veut pas perdre d'énergie pour rien. Ouais. Si tu as quelque chose, tu vas avoir l'énergie, tu perds rien. Ouais, faut qu'il y ait une raison. Faut que ça fonctionne, faut qu'il y ait une raison. Tu peux pas perdre de l'énergie. Puis moi, avec ma gueule, mais quand je rencontre du monde, mais ça n'arrête plus. Je suis obligé de couper ça. Puis je suis encore cute, tu sais. Je suis pas vieux. Je suis pas encore. Ouais. Puis là, comprends, la bonne femme, elle t'a pas l'aide, ta blonde. Oui, elle avait des yeux bleus. Son bonhomme était un petit peu plus vieux, tu sais, rebougri un peu. Fait que je suis pas encore. Avec ses yeux bleus? Ripotique. Mais pour revenir au sérieux, là, t'es obligé de couper. Mais c'est ça qui se passe quand t'es dans ta vie de famille, là? Tu t'en vas en campagne avec eux autres, et puis ils ont ce qu'on appelle une vie bébène inconsciente. Puis moi, ben, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Je jouis pas de cette vie-là, mais ça me dérange pas. Je vais en deux rites, puis je sais pas ce qu'il faut faire. Comment ça? Il y a rien. Non. Moi, je manque encore peut-être de l'intelligence, comme t'as pas ses nerfs, puis pas l'impression de dépenser de l'énergie, je commence pas à c'est bon. Puis, ça, tu sais. Tu sais. Quand t'es bien, t'es correct. bien. Je fais ton autre, c'est ça. C'est une différence, hein? À la longue, tu ne peux pas me dire. Moi, je n'ai pas cette impression-là. Je dirais que ça m'empêche. Mais bien, des fois, tu bases parce que tu n'es pas capable de supporter l'énergie. Tu n'es pas capable de rester avec l'énergie sans forme. Tu n'es pas capable de la supporter. Fait que tu cherches un canal au plus sec. C'est vrai. C'est vrai. Si tu parles pas, on dirait que tu parles. Sans ça, vous pétaliez. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, moi, c'est important de parler entre vous autres. Tu sais, il y a toutes sortes d'étapes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, il y a des contradictions, une journée, il nous dit de parler, une journée, il ne dit pas parler. C'est pas... Les gens ne réalisent pas que c'est par étapes qu'on réalise certaines choses, par étapes. Je suis obligé de dire des choses aujourd'hui, puis demain, je vais dire d'autres choses, qui ne contredit pas ce que j'ai dit avant, mais qui le développe par étapes. Mais il faut que tu commences par l'étape numéro un, parle, communique, après ça, l'autre étape, après ça, l'autre étape, la dernière étape, tu rentres dans ton trou, tu restes là. C'est bien. Ben, c'est parce que tu es capable de le faire. Parce que vivre tout seul, puis pas communiquer, quand t'es dans l'intelligence, faut que t'aies les épaules fortes. Parce que quand t'es tout seul, si t'es tout seul pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, tu peux pas communiquer à l'extérieur, tu vas être obligé de communiquer avec eux autres. Fait qu'à ce moment-là, faut que les circuits soient bien développés, là c'est plaisant, tu parles avec eux autres. Ensuite, ils te laissent en paix pendant deux heures, puis ensuite tu parles. La communication se fait de haut en bas, ben se fait la communication. Mais il y a des étapes, puis c'est ça qui est... C'est ça qu'il faut qu'on vive, qu'on connaisse, qu'on reconnaisse. Mais je suis pas sûr, j'ai plein d'affaires pour pas commencer de contagion. Oh! Il n'y a pas une personne pareille. Ouais. C'est votre règle de mesure, ça. Quand vous êtes bien avec vous-même, tu te fous des autres. Tu t'occupes pas des autres. Mais des fois, c'est que les autres arrivent, puis nous content notre histoire, puis on est bien avec nous autres-mêmes, mais aussitôt qu'ils rentrent, là, ça nous trouble tout. Qui c'est qui se fait poigner là-dedans, là? C'est votre femme. Je sais. Mais pas mal, là. Pas mal. Ouais, vous êtes pas mal bonne, là. Pas mal bonne. Comment ça va, je retiens bien? Ouais, je retiens bien, c'est ça. Ouais, je retiens bien. C'est dur. Ouais. C'est pas facile de ne pas être influencé. C'est extraordinaire, comment c'est pas facile. C'est vrai, hein? Ouais. J'ai vu ça, je mets à chaque minute un affichage. Ouais. Moi, dans mon expérience, je rencontre des gens, des fois, qui m'arrivent avec des choses, là. Surtout des gens qui sont profondément dans l'ésotérisme et tout, là. Ils m'arrivent avec des patentes, c'est quasiment inébranlable. Sais-tu qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Faut que j'attende d'abord. T'sais. Là, j'attends quelques secondes. Puis c'est toujours le même mécanisme. J'attends toujours deux, trois secondes. Puis là, je commence à mettre l'âge dedans. Là, j'arrête plus peur. Jusqu'à temps que je l'ai tout démoli. Mais faut que j'attende. L'énergie descend. Puis là, je commence à le démolir. Puis je le démolis. Puis je le démolis. Puis je le démolis. Puis je le démolis. Puis je le démolis. Tout quelques secondes. Puis, je sais pas comment ça marche, cette affaire-là. Il faudrait que j'en parle. Comment ça marche? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'attende? Puis là, c'est comme si c'était un tuning qui se fait dans quelques secondes. Il y a un tuning, là. Ouais. Là, c'est comme s'il monte mes vibrations, là. Il enlève tout ce qui est émotif, là. Parce que quand tu redescends normal, t'es émotif. Sans ça, tu te retrouves comme un bloc de glace. Fait que là, il t'enlève tous les motifs, là. Puis il remonte. Là, ta température, elle remonte, elle remonte, là. Puis là, à un certain moment, là, ça arrive ici, là. Paf! Là, je commence à le démolir, je le démolis. C'est quoi, c'est une émotivité? Ben, ils mettent sur un autre taux vibratoire, ils changent mes vibrations. Moi, je suis pas toujours dans le mental. Je te dis que je suis toujours dans le mental, mais j'ai plus d'élasticité. Dans ma vie de tous les jours, j'ai de l'élasticité. Pour danser, il faut avoir un petit peu d'énergie astrale. Sans ça, tu peux pas danser. Je danserais comme Frankenstein, bien raide. Tu comprends tu? Ouais, ça va bien. Ben oui, ça, j'y aurais pu attendre un certain moment. Ouais. comme vous autres, vous riez, vous autres. Comme moi, si je danse, pourquoi que je danse avec de... Comment ça s'appelle? Diane. Avec Diane. Mais je... si je suis dans le mental, mais je vais danser de même, tu sais. C'est pas plaisant. T'sais. Fait que si j'ai pris un petit verre, mais là, ça m'astralise. Fait que là, m'en rapproche un petit peu, mais m'a toujours gardé mes distances. Sans ça, ça va trop l'énerver. Mais au moins, c'est plus plaisant. Tu comprends? Fait qu'il faut qu'il y ait un petit peu plus d'astralité. Ben, voir ça, j'ai arrêté, Bernard. Ah non, toi, quand tu venais, je me cachais. J'ai pas été. Ben, voir ça. On a eu une fois. Je pense que ça va danser avec lui, vous autres. J'ai pas cru de choc. C'est parce que j'étais astral que je dansais. Et ça fait 10 ans que j'ai pas dansé. Fait que il t'astralise un peu, fait que là ça redescend. Fait que tu retombes dans la mémoire de ton corps astral, puis tu peux fonctionner comme tu fonctionnais avant. Puis après ça, il te rejack dans le mental. Là, tu danses plus. C'est possible, ça, quand tu commences à le mental, ils vivent astralement, mais dans leur forme de religion, j'ai vécu ça, là, moi, durant les réceptions des fêtes, là, surtout chez mes beaux-frères, tout ça. Ils te regardent, puis ils te sautent dans le face. Sans que tu parles rien, ils t'attaquent. Puis c'est toujours question de religion, question de forme. Plus ils sont pris dans leur forme, moins ils peuvent te supporter. Ouais, mais c'est évident. Les gens qui sont très spirituels, mais qui sont pris dans les traditions, c'est évident. C'est évident. Ça m'est arrivé à 2-3 reprises, j'ai dit qu'est-ce qu'ils ont, donc ils sont tombés sans. Oui, mais ça, c'est parce que, tu sais, bon, là, je veux parler de ça avant de partir. Plus on rentre dans l'intelligence, plus on apprend à. On apprend le camouflage. Mm-hmm. Ça, c'est lié à la loi d'impression. Ça, ça demande de l'intelligence pour pouvoir se camoufler. Si tu es trop dans l'esprit de l'intelligence, tes émotions vont t'empêcher de te camoufler. Tu te montres exactement là comme tu es. Tandis que quand tu es dans l'intelligence, tu peux te camoufler complètement et personne ne saura jamais ce que tu es. Fait qu'à ce moment-là, les gens ne peuvent pas sentir rien. Moi, j'ai invité un homme chez nous à Noël, ce que je fais jamais, jamais, jamais. Là, j'ai dit à ma femme, là, j'ai dit, je commence à socialiser avec des étrangers. Fait que j'étais allé m'acheter une paire de bois dans le magasin, puis le gars, il lisait un livre, puis il était intelligent, un Américain qui venait de Texas. Puis, Le brino, un cowboy. Ouais, mais c'était un cowboy intéressant. Il s'intéressait, il avait lu le livre Psychic Research Behind the Iron Curtain. Puis il y avait des livres dans ce domaine-là. Là. Fait que y a les livres de Daniken, sur les extraterrestres, dans les liens entre les civilisations et les extraterrestres. Oh. Il y a des livres là, que tout le monde connaît. Bon, Cheaton. Fait que, sais-tu une chose? J'étais allé chez eux, puis je l'ai invité pour un drink. Puis il est venu chez nous, puis on a eu une soirée fantastique. Parce que moi, socialiser, je commence à socialiser. Là, j'ai commencé à socialiser avec vous autres. Là. Mais avant, je ne pouvais pas socialiser. Puis là, je commence à socialiser avec des gens qui sont totalement dans le monde. Puis je vais te dire une chose. Pierrette, elle a tellement aimé ça qu'elle a voulu le réinviter. Elle a aimé ça. C'était comme si on vivait là, comme avant l'initiation. T'sais, tu rencontres du monde. Là. Vous autres, vous êtes capables encore de faire ça. Mais moi, j'ai perdu ça. Et là, je t'apprends à le reprendre. Puis c'est le fun. On a eu une belle conversation. Puis ça m'a permis de mesurer jusqu'à quel point je suis capable de me camouflager. Seul mot. Bon. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai parlé. J'ai toujours dans l'intelligence. Seulement, je suis descendu de l'intelligence au niveau de l'esprit de l'intelligence. Fait que tu comprends qu'avec l'intelligence, dans l'esprit de l'intelligence, le gars, il n'en revenait pas. Il est parti de chez nous à 2 h du matin. Puis rendu chez eux, il nous a retéléphoné pour nous remercier. Il n'en revenait pas. Il dit, j'ai jamais rencontré du monde comme vous autres. On fonctionnait comme du monde bien, bien normal. Seulement qu'il y avait toute la puissance vibratoire de l'intelligence derrière la forme. Fait que tu comprends que le gars, il a sauté. Il me parlait de n'importe quoi, il me parlait de ci, puis il me parlait de ça, puis il me parlait de ci, puis il me parlait de ça. Puis moi, je pouvais y répondre à tout ça. Fait qu'il pensait que j'étais bien éduqué. Il cherchait un lit dans la maison, je les ai laissés à Montréal. C'est ça le camouflage. Hein? Mais c'est intéressant pour moi au niveau de mon expérience. Puis ma femme, c'est intéressant parce que ça nous fait réaliser aujourd'hui jusqu'à quel point on est capable de manipuler l'énergie de l'intelligent. Ah, c'est ça, je venais. Tandis que dans l'esprit d'intelligence, tu n'es pas capable de manipuler l'énergie de l'intelligence. Elle te manipule. Mais quand tu rentres suffisamment dans l'intelligence, tu manipules l'énergie de l'intelligence, puis automatiquement, tu peux donner à l'esprit de l'intelligence une qualité, une couleur, une chaleur ou une froideur qui te permet de maintenir une séparation entre toi et les autres au lieu de les amener dans ta vie occulte puis commencer tout un travail de transmutation des corps. Puis ça te permet, à cause de ton intelligence, s'ils sont capables de l'apprécier, de créer un lien social extraordinaire. Fait que tu fais ça avec un gars, puis tu fais ça avec un autre. La première chose que tu sais, c'est que tu as des amis exotériques, inconscients. Ma femme, elle les appelle des inconscients. Les inconscients. Ça, c'est son terme. C'est juste. Ouais, c'est inconscients. C'est du monde plaisant, des ingénieurs, des avocats, des juges. Fait que tu parles avec du monde de même. Tu parles une belle. Mais il faut pas. Faut que tu camoufles. Tu commences à parler d'un juge, deux autres en haut, c'est final. Charlie, il s'en va. Ils vont avoir peur. Là. Il y a du monde qui ont peur de ces affaires-là. Fait que tu dis, ouais, si t'as, moi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est possible, c'est intéressant. Là, tu parles. Mais ça, faut que tu puisses réellement manipuler l'énergie. Parce que l'esprit d'intelligence, l'ego, a tendance à en mettre un petit peu plus. On a toujours tendance à tartiner plus qu'on devrait en mettre. Quand on fait des gâteaux, on n'est pas capable d'arrêter là. Faut qu'on en mette un petit peu plus sur le gâteau. On fait la même chose au niveau des mots. On ne sait pas quand fermer notre gueule, quand arrêter, quand pas le dire, ce mot-là. Tu l'apprends parce que l'intelligence de l'esprit qui est en arrière de ça te donne une maudite leçon. Ah, la question qui est soulevée en arrière. Elle va t'amener à dépenser de l'énergie en maudit. C'est final. Là, c'est final. Ouais. C'est ça. Ah, c'est chien au bout. C'est ça. Ben, c'est l'effet de camouflage, surtout pour dont des gens qui nous ont connus par le passé ou qui sont pris dans des formes ésotériques, bon, quelque chose, puis ils savent que tu as changé. Puis là, tu fais du camouflage, mais eux autres n'arrivent pas à te cataloguer ou à te mettre le doigt. Ils peuvent pas te saisir. C'est ça qui fait la facie. C'est ça pour répondre à sa question, qu'il y a des visages qui voudraient te sauter dans la face, qu'il y a des frictions à un moment donné, c'est qu'ils voudraient démolir ton affaire ou mettre le doigt dessus. Parce que tu camouflages pas. Oui. Non, si tu camouflages, ils seront jamais. Moi, j'ai déjà rencontré chez nous des témoins de Jéhovah. Donc, je te dis, pour les proches parents ou des gens qui t'ont connu. Oui, il y a moyen de camouflager pareil. Oui, mais ils savent que tu n'es plus dans la fraternité blanche. Ah, tu l'as dit, je peux intéresser à ça. Oui. Il y a toujours moyen de camouflager. Mais faut que tu brises la curiosité, faut que tu la brises, faut que tu la neutralises. Sans ça, si tu l'entretiens par tes mots, mais ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Faut apprendre à mentir. Ça fait partie de l'intelligence, mentir. C'est bien important, mentir. Si vous apprenez pas à mentir dans la vie, vous pourrez pas jamais faire le camouflage, vous serez jamais dans votre intelligence. Moi, je suis le plus grand des menteurs. Je suis terrible. Est-ce que je peux mentir, moi? Ah, c'est vrai. C'est un or. Moi, je peux vous compter des salades, mon cher. J'en ai parlé hier quand dans l'autre rencontre, quand je parlais de. Quand je parlais de l'hypocrisie. Comment est-ce que je parle à ça? L'hypocrisie stratégique. L'hypocrisie stratégique. C'est fantastique. Parce que quand tu es dans l'intelligence, puis tu mens, autrement dit, quand tu es dans l'intelligence, puis tu déformes la vérité, il y a un jeu extraordinaire qui se passe dans ton mental. Parce que tu sais pas jusqu'à quel point tu peux aller. Puis c'est là que tu vois la puissance de l'intelligence, puis jusqu'à quel point l'intelligence est en dehors du négatif puis du positif, jusqu'à quel point elle est libre de la forme. Et ça permet à l'intelligence de créer des formes nouvelles pour te donner un camouflage. Là, le monde se croit. Là, le monde te croit ou il trouve ça plausible ou ainsi de suite. Fait que toi, ça te coupe, tu conserves tes énergies. J'ai un mot qui m'est venu, peux-tu le dire? Ouais. On devient notre propre espion. On devient. Ouais, c'est parce que tu le dis pas comme il faut. Il y a une autre vibration. Espionne. Oh, non, c'est pas comment on joue le jeu d'espionne. Agent secret, peut-être. Non. Je comprends ce que tu dis. C'est bon. La responsabilité, la plus certaine. Quand on a la des fois, quand ils nous ont connus, puis après un certain temps, ils faisaient rencontre. Tu veux changer? Tu penses avec toi? Parce que ça perd ton affaire. On n'a rien dit encore. Pour se camoufler en leur répondant subtilement, sans savoir exactement de qu'eux autres ne puissent comprendre de quoi on parle. En tout cas, je comprends ce que vous voulez dire. On peut aussi faire la vérité en rien. Ouais, ça c'est un autre, ça c'est l'autre bon côté. Ouais. Dire la vérité à, ouais, c'est ça. Ouais. Les deux côtés marchent. Mais l'art de camoufler, sa réalité intérieure, c'est extraordinaire. Mais c'est arrivé ce que tu disais? Oui, je vais à la campagne. Moi, je suis dans le risque, je descends. C'est nécessaire, ça devient nécessaire. Tu n'as pas encore tes énergies, tu es en suspension, puis tu as autant de ventes, tu te rends. La musique est forte. Tu jases avec eux autres, puis ils sortent des belles choses. Moi, c'est là, à ce moment-là. Moi, j'ai déjà rencontré un médecin, puis il m'avait dit, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » J'ai dit, « Je suis médecin. » Fait que tu comprends que pour établir un lien avec lui, je m'ai rendu médecin. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, mais il faut que tu puisses fonctionner de même. Je sais pas s'il y avait le pied dans le grand lit, à peu près. Ça, c'est des tests. Parce que moi, je suis fusionné, fait que je peux pas faire autrement. Ça me passe. Je suis médecin, je viens d'être médecin, Charlie. Tandis que vous autres, mais vous avez un mécanisme, l'esprit, votre intelligence qui va vous empêcher de le faire. Tandis que moi, je l'ai pas, ce mécanisme-là. Fait que s'ils veulent me mettre ingénieur ou médecin ou psychologue, je suis ça. Ou architecte. Fait qu'à ce moment-là, il faut que je parle médical ou je parle architecture ou je parle... Puis au début, je n'étais pas habitué. Puis ça fait bien longtemps qu'il me faisait faire ça. Je n'avais plein le cul. Je disais, arrêtez-les vos sardines. Il disait, c'est important. Faut que tu sois toujours bien neutre. De jamais te faire prendre des culottes à terre. Toujours au service de l'intelligence. N'est jamais au service de l'esprit de l'intelligence. Quand tu joues le jeu de l'impression à ce moment-là, les deux à ce moment-là viennent en cause. L'esprit d'intelligence, l'intelligence derrière ça, c'est l'intelligence en fait qui te fait prendre conscience que tu joues un rôle, que tu... C'est pareil comme si tu étais en trois dimensions. Ouais. C'est à l'esprit d'intelligence de pouvoir le vivre, ça. Ouais. Puis tu sais, ça se joue, puis... C'est encore la même chose que je disais tout à l'heure. C'est pareil comme t'écoutes une conversation. C'est ça. Puis t'es impliqué, mais t'écoutes la conversation pareil à travers ça. Tu t'écoutes. Ouais. Tu trouves ça intelligent, tu trouves ça, ben, c'est des belles mantrées, plus que ce que là, mais c'est intelligent. Ouais. Des mantrées intelligentes. Ouais. Ça fait, c'est pour ça que c'est important d'être en dehors de la forme le plus possible pour pouvoir fonctionner de même. L'autre fois, j'étais à la maison, j'étais après à regarder la télévision. Puis tout d'un coup, je pars d'un dialecte. Un dialecte. Pis là, j'ai été pogné là-dedans, là, pendant une demi-heure de temps. Je pouvais pas en sortir. Fait que là, je faisais mon fou avec ma femme, dans le dialecte. Puis elle... Pis moi, je l'ai pas réalisé tout de suite. Ça m'a pris tellement vite. Le changement vibratoire était tellement vite que là, je suis tombé dans dans cette personnalité-là. Puis là, j'ai fait le dialecte. Là, je commence à en avoir plein de casse, tu sais, d'être dans ce dialecte-là. Puis il me disait, encore 10 minutes. Il fallait que je joue le dialecte pendant 10 minutes de temps. Puis tout change, le langage change, l'intonation de la voix change, les yeux changent, tout change. Fait qu'ils peuvent te mettre dans cette vibration-là, paf, de même. Tu peux pas en sortir. Moi, je suis pas capable d'en sortir. Puis il me jouait des dos de même au début. Là, je suis habitué, ça me fait rien. Mais quand tu es en public, c'est pas comme être à la maison. À la maison, ben, ça devient du théâtre. T'sais. Mais quand tu es en public. Hein? Ma voix change. Ouais, ma voix change, c'est ça, Karine. Mais en écoutant des fois les autres, des fois, je m'étais arrivé au centre d'achat Laval. Je suis assis dans un restaurant. Mon oreille en arrière, une femme, elle a dit quelque chose d'assez intéressant, assez intelligent, là. Ah, comme ça, c'est intelligent, stop. C'est pas tout. L'intelligence passe partout. Ouais, passe partout. Tu sais, tu promènes dans le centre d'avant, des inconscients, c'est pas vrai. Il y a de l'intelligence qui passe partout. Ah, il y a de l'intelligence qui passe partout. Mais tu sais, quand tu dis, faut être tuné, là. Ouais. Même un petit enfant, des fois, il va pas sortir de tout, là, va dire quelque chose. T'aimes. Ouais. C'est tellement intelligent, tu peux pas faire autrement. Mm-hmm. Tu veux capter? Fait que l'affaire de l'esprit de l'intelligence puis de l'intelligence, c'est bien important. C'est bien, bien important. C'est pour ça que tant qu'on n'est pas parfaitement dans l'intelligence, ou tant qu'on gravite vers l'intelligence, faut toujours être bien conscient qu'on est dans l'esprit de l'intelligence. Puis aussitôt qu'on est conscient, c'est là qu'on rentre dans l'intelligence. Aussitôt que tu es conscient de l'esprit de l'intelligence, tu rentres dans l'intelligence. Aussitôt, t'as pas de choix. Puis ça t'amène à apprécier ton intelligence. Ça t'amène à être plus sûr d'être sûr, et ainsi de suite. C'est bien important le camouflage. Parce que si vous apprenez pas à vous camouflager, camouflager c'est un drôle. À vous camoufler. Ouais. Si vous apprenez pas à vous camoufler, ce qui va arriver, c'est que vous allez devenir esclave d'être en relation seulement avec des gens comme vous autres. Vous devez pouvoir être en relation avec des gens comme vous autres. C'est plus plaisant, ainsi de suite. Mais vous devez pouvoir aussi être en relation avec des gens dans le monde inconscient qui sont des inconscients sages. Mais tu veux camoufler? Ou tu es obligé de camoufler. Sans ça, ça finira plus, ça va être une litanie. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui sont extrêmement intéressants, qui ont beaucoup d'expérience, ainsi de suite, qui ont des gens bien, bien intéressants, qui sont pas conscients, mais sont intéressants. Puis ça vaut la peine de rencontrer ces gens-là. C'est enrichissant de rencontrer ces gens-là. Fait que ça, c'est un autre aspect encore. Tu vois comment tout se développe, hein? On part de l'inconscient, puis éventuellement, on s'imagine que c'est entre nous autres, puis après ça, on s'imagine que c'est entre nous autres, mais aussi, tu peux pas te couper du monde extérieur. Parce que entre nous autres, là, c'est le fun, le temps que tu es encore dans l'esprit de ton intelligence. Mais quand tu es rendu à un certain niveau de ton intelligence, tu n'es plus intéressé à parler de ce qu'on parle. Puis ça, vous allez le savoir un jour, il y en a déjà parmi nous autres qui le sentent, qui le réalisent, ça. Tu n'es plus intéressé. T'es plus intéressé à parler de ces affaires-là. Fait qu'à ce moment-là, si t'as haine, tu peux seulement parler de ces affaires-là, parce que t'es pas capable de te camoufler. Tu vas te couper de la vie. ce qui arrive à Pointe d'Azur, c'est qu'avec les gens qu'on cible, qu'on appelle, c'est qu'on sait qu'ils savent, on sait ce qu'on sait, fait qu'on peut pas parler. Je veux dire, il n'y a plus rien à dire sur le sujet de, qu'on parlait antérieurement, l'évolution, etc. Parce qu'on était très, très émotif, qu'on avait des choses à dire. Mais rendu à un moment donné, c'est que c'est coupé, ça. Ça ne donne à rien de parler de ce qu'on sait. Ça se fait pas, ça se sait, point, ça finit là. À moins que... Tu peux toujours en parler, il y a toujours du matériel, comme il dit, lui, oui. Qui peut sortir. Mais le point est, c'est qu'éventuellement, t'aimes ça changer de repas, pas toujours manger du poulet. C'est ça. Ben, c'est un peu ça aussi. C'est de la répétition. Ouais. Ouais. C'est une forme de répétition, à un moment donné. Parce qu'ils me disent tout le temps qu'un jour, on devra revenir comme on était avant. Mais intelligent. C'est évident que c'est plus plaisant. C'est plus plaisant, techniquement, d'être avec des gens qui sont sur ta longueur d'onde. Mais ça peut être très plaisant si tu es capable de te camoufler, d'être avec des gens qui sont des inconscients sages. Tu peux pas sortir trop de ça. Tu peux pas être avec des gens qui sont trop en dehors de cette de cette sagesse inconsciente. Tu sais, des gens bien, là, des gens intéressants. Là. Parce qu'à ce moment-là, il y a trop de violence psychologique, il y a trop d'inconscients. Mais des inconscients sages, là, comme probablement nous autres, on était avant la conscientisation, c'est intéressant. Moi, j'ai un ami là, qui est un inconscient sage, puis il me fait mourir, le gars. Il est fantastique. Il a une intelligence. Il est au bout. Il y a eu des expériences dans la vie que tu pourrais lire dans un roman de science-fiction. Fait que quand on se rencontre, c'est le fun. C'est plaisant. Des gens qui sont ouverts. Des gens qui sont ouverts, ouais. Les inconscients sages que je parle, c'est des gens qui sont ouverts à ce qu'on peut dire sous le camouflage. C'est évident que tu ne vas pas parler à des gens qui ne sont pas ouverts à rien. Ça, c'est une perte d'énergie. Mais quand un gars a lu de psychic... Quand un gars a lu des livres, parce que les gens lisent en société. Nous autres, on lit de moins en moins, mais eux autres lisent de plus en plus.